a 150 ans, Dmitri Mendeleïev mettait au point une classification des éléments par masse atomique qui allait révolutionner notre conception de la matière et de ses propriétés physico-chimiques. Comme toute grande avancée conceptuelle, le tableau périodique des éléments n'est pas que descriptif, il est aussi prédictif. Et il a pu être petit à petit complété par des éléments non naturels produits en laboratoire, dont les quatre derniers ont été validés il y a 3 ans à peine. Et maintenant, que se passe-t-il? Les chercheurs sont toujours en quête de nouveaux éléments, toujours plus lourds, dont certains pourraient même être extrêmement stables. Mendeleïev, le tableau s'alourdit, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet anniversaire ainsi que la quête de ces nouveaux éléments super lourds, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François-Xavier Coudert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Caen avec David Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Caen, physicien au GANIL, le grand accélérateur national d'ion lourd où on essaye justement de créer ces fameux noyaux super lourds. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous pouvez suivre cette émission et bien comme chaque jour par votre méthode d'écoute habituelle, en direct, en différé sur franceculture.fr, en podcast et surtout, comme toujours, en complément. Ça sera intéressant si vous n'avez pas exactement en tête toutes les cases de ce tableau périodique des éléments sur notre fil Twitter @laméthodefc. Pour commencer, eh bien, comment résister à quelques minutes du délicieux accent rocailleux de Gaston Bachelard, décrivant en 1948 le génie de Mendeleïev. C'est un extrait de l'heure de la culture française, les causeries de Bachelard sur la C'était diffusé à la radiodiffusion française en 1948, donc écoutez. C'est ici qu'intervient une des vues les plus pénétrantes qui ait jamais éclairé la science de la matière. Je veux parler de l'intuition du chimiste russe Mendeleïev. Je voudrais donner un rapide dessin de la classification de Mendeleïev. Cela me semble d'autant plus nécessaire que ce point de vue n'est pas assez étudié dans l'enseignement élémentaire. Mendeleïev eut l'idée de lier les deux notions de poids atomique et de famille d'éléments. Il fit ainsi une classification à double point de vue. Il institua une sorte d'ordre croisé qui est bien différent de l'ordre linéaire, bien différent aussi d'une classification par accolades successives, comme sont les classifications en usage dans l'histoire naturelle. Comme le poids atomique a une grande valeur de détermination substantielle, Mendeleïev commença à écrire les éléments chimiques dans l'ordre linéaire des poids atomiques croissants. Voilà cette... cette forme d'emphase de Bachelard autour de cette classification et de l'importance surtout de cette classification de Mendeleïev. Votre réaction, François-Xavier Coudert? Évidemment, c'est toujours émouvant et puis un peu sympathique d'entendre cette voix. Et puis, en fait, il cite là les deux éléments principaux de la classification périodique, c'est les poids et les propriétés. Et c'est ce qui va nous donner deux axes de classification. C'est ça qui fait que c'est un tableau sous forme un peu à deux dimensions et pas juste une liste ou un regroupement par famille. Alors il faut préciser, hein, là, on va vous mettre justement la photo de ce premier tableau de Mendeleïev qui ne ressemble pas exactement au tableau de classification périodique que vous pouvez avoir en tête et qu'on connaît qui vient d'être posté. Le premier c'est une liste de symboles classés effectivement par masse atomique sur 4 colonnes seulement. Votre réaction peut-être juste David Boyer à cette archive de Bachelard? Oui, c'est intéressant, surtout que un des points particuliers du tableau de Mendeleïev, c'est qu'il a été très audacieux par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il les a classés dans l'ordre, mais parfois ça marchait pas. Et donc il a interverti en fonction des propriétés chimiques en disant là peut-être il y a une erreur, et il a laissé des cases vides aussi, en disant là, je soupçonne qu'il y a des éléments qui doivent exister dans la nature qu'on n'a pas encore découvert. Donc il est ce tableau périodique, non seulement il a permis de classer, parce que pour le moment, avant la chimie était essentiellement descriptive, on essayait de voir comment ça réagissait, avec quel élément, et là il a essayé d'avoir une vue synthétique, et c'est d'avoir cette vue synthétique, il a été très audacieux en disant il y a des données qui sont pas très sûres, il vaut peut-être mieux intervertir. Et on voit dans, si vous postez donc la classification de Mendeleev, vous pouvez regarder, c'est pas très régulier. Parfois, il y a des échanges entre deux masses et il y a des cases vides avec des points d'interrogation. C'est vrai. Et j'ai dit des bêtises. D'ailleurs, il n'y a pas quatre colonnes, il y en a six sur le tableau de Mendeleev qui vont ensuite se retrouver dans les lignes et qui ne seront plus des colonnes. C'est-à-dire qu'on va retourner le tableau plus tard. On va en reparler justement dans un instant comment on passe de cette première classification de Mendeleev au tableau périodique que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant cela, on ne se lasse jamais d'un peu plus de Gaston Bachelard. Écoutez. De temps en temps, Mendeleev était obligé de sauter une ou plusieurs cases. Quand on s'étonnait devant ces cases vides, Mendeleev répondait tranquillement qu'elles correspondaient à des éléments chimiques que l'avenir permettrait sans doute de découvrir. Il poussait l'audace jusqu'à définir les propriétés chimiques de ces corps inconnus, jamais vu dans les creusets de laboratoire. Le classement par famille et la place dans la période lui paraissaient susceptibles de donner des déterminations ontologiques, philosophiques. Or, il est extrêmement frappant de voir que les prévisions ontologiques de Mendeleev se sont progressivement vérifiées. Peu à peu, des corps chimiques nouvellement isolés, vinrent se ranger docilement dans les cases que Mendeleev leur avait préparées. À une ou deux exceptions près, toutes les cases sont occupées, de sorte qu'on peut dire que le tableau de substances est maintenant complet. Ce n'est d'ailleurs pas un simple résumé d'expérience. Nous verrons par la suite que c'est un véritable clavier sur lequel jouent maintenant le chimiste et le physicien pour étudier toutes les possibilités de transmutation chimique. Voilà cette dimension donc prédictive que vous évoquiez, David Boyer, et cette dimension que Bachelard qualifie carrément d'ontologique. Alors en 48, quand il dit que le tableau est complet, c'est pas tout à fait vrai, comme on va en reparler dans un instant, mais tout de même vous partagez ce côté finalement de révolution conceptuelle, comme je le disais dans l'introduction, c'est-à-dire effectivement une vraie nature ontologique de classification des éléments existants. Oui, tout à fait. C'est effectivement la grande force de ce tableau, c'est d'avoir fait des prédictions qui ont été en plus vérifiées. Et en plus, il y a d'autres éléments, on en reparlera peut-être plus tard. Donc, Mendeleev a classé suivant les masses atomiques, maintenant il est classé suivant les numéros atomiques, suite aux travaux de Moseley plus tard, mais on a gardé, ça n'a pas remis en cause cette classification. Donc c'était pas la première classification qui a été faite, mais c'est celle qui est restée parce qu'elle avait... Elle s'est révélée être correcte et avec un pouvoir prédictif énorme. C'est important cette notion prédictive dans toutes les grandes révolutions paradigmatiques scientifiques. Il y a toujours ce côté de la prédiction avant l'observation, ce qui est le cas de Mendeleev et de ce tableau. Oui, François-Xavier Boudère. En fait, effectivement, donc il y a eu des tentatives de classification, il y a eu des classifications avant Mendeleev. Il arrive à une période où on connaît à ce moment-là une soixantaine d'éléments. Et y a eu des classifications par triade, par tétrade, par vis tellurique, etc., où on essaye de regrouper par famille. Mendeleev, il a vraiment deux côtés novateurs. C'est qu'il va avoir la précision dans les mesures de masse atomique. Donc les masses atomiques sont devenues beaucoup plus précises. On a pu les mesurer plus précisément qu'avant. Ça va permettre aussi de classer de manière un peu plus, on va dire, détaillée, et de mieux comprendre ce qui se passe, et puis donc cette espèce de saut dans l'inconnu, en disant, même si parfois il me manque un élément, ou même si parfois les masses ne sont pas forcément dans l'ordre croissant, en tout cas, ce qui va primer, ça va être la propriété. Et cette adjudication de la propriété et de la masse qui va effectivement correspondre au fondement solide et théorique de ce tableau périodique des éléments dont nous vous racontons l'histoire aujourd'hui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des 150 ans du tableau de Mendeleïev avec François-Xavier Couder et David Boyer. Peut-être un mot, David Boyer, historiquement, hein, comme vient de le dire François-Xavier Couder. Ce tableau périodique des éléments, il commence à se fixer à partir de Mendeleïev, mais Mendeleïev ne sort pas de nulle part. Il est l'héritier d'un certain nombre de tentatives de classification qu'on pourrait presque faire remonter à Lavoisier. Tout à fait. C'est-à-dire deux siècles avant, hein, c'est-à-dire fin 18e, oui, Lavoisier. Fin 18e. Donc c'est avec la Renaissance, fin 18e, début 19e, avec Lavoisier et Dalton, la Renaissance du modèle atomique déjà, qui était à la fin 19e quand Mendeleïev a proposé son tableau. Les atomes n'étaient pas encore admis par tous. Donc ça, c'est ça. Faut voir que c'est un contexte scientifique. Nous, ça nous paraît évident, on a tous appris à l'école que le monde est fait d'atomes, mais à l'époque de Mendeleïev, il y avait encore toute une branche de la science qui contestait l'existence même des atomes. Donc l'atome, c'est une notion antique qui a été proposée par Démocrite. Aristote la détestait, pas à cause de l'atome, mais parce qu'entre les atomes, il y avait du vide. Et donc pour Aristote, c'était inconcevable qu'il y ait du vide dans la matière. Et cette idée qu'il n'y ait pas de vide et qu'il y avait quatre éléments fondamentaux, elle a perduré pendant pratiquement 2000 ans. Et il a fallu les premières approches scientifiques, et en particulier de Lavoisier, qui était très quantitative, pour remettre au goût du jour cette notion d'atome et les travaux de Dalton. Mais il y avait des problèmes entre... Même Dalton, quand il parle d'atomes, il parle d'atomes sécables et d'atomes insécables. On pense aux molécules. La clarification entre atomes et molécules, elle est arrivée qu'en 1860 au congrès de Karlsruhe. Et c'était quand même... Il y avait pas mal de flou autour de cette notion. Et d'avoir réussi à classifier tous les éléments connus avec les données de l'époque, dans un contexte où c'était pas encore l'unanimité, c'est une grande prouesse. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit deux siècles, parce que c'est même pas un siècle avant, c'est 1789, la classification de Lavoisier, et c'est 1869 pour Mendeleïev, donc c'est moins d'un siècle avant. Un mot, François-Xavier Couder, entre Lavoisier et Mendeleïev, il y a effectivement tout un nombre d'étapes qui aboutissent, en fait, une sorte de goulot qui amène à Mendeleïev et à cette classification. Voilà, c'est ça. Lavoisier va classer les métaux, va classer... Les cinq grands principes. Il va classer par famille, par propriété chimique, c'est-à-dire par... Comment est-ce que c'est différent à l'époque? On dit pas éléments, en fait. Le vocabulaire est entièrement différent. Mais comment est-ce que ces différents corps ou corps purs vont se composer entre eux pour former? Et donc, on va faire des familles d'affinités. Et on en est vraiment là, hein, quand on regarde les cahiers de Lavoisier, c'est vraiment ça. C'est par famille. Et puis, on va commencer à se rendre compte, quand on peut mesurer les masses, que, en fait, finalement, l'hydrogène va être le plus léger, qu'on va commencer à vouloir établir des rapports de masse. Et ça, c'est le début de cette réflexion-là. Effectivement, avec l'école anglaise aussi, et on va commencer à construire des classifications et puis se rendre compte qu'il y a quelque part une période. Et ce côté périodique, c'est-à-dire quand j'augmente de masse, je découvre, je passe d'un atome à un autre, il y a un nouveau comportement, et puis tout d'un coup, je reviens sur une série de choses qui c'est du déjà vu, en fait. L'aluminium se comporte un peu comme son voisin en dessous, alors à l'époque, il n'est pas connu, etc. Et donc, on retrouve du comportement ce côté périodique. Là où il est vraiment frappant, c'est qu'aujourd'hui, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on comprend la nature des atomes et l'organisation. À l'époque, ils n'ont aucune idée de pourquoi. Donc, c'est non seulement l'atome même, enfin, on parle d'hypothèse atomique, mais en plus, même pour ceux qui admettent l'hypothèse atomique, proposent l'existence des atomes, on ne sait pas comment ils s'organisent, les noyaux, les électrons, tout ça, on n'y est pas. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ensuite, aujourd'hui, le tableau périodique, il est classé par numéro atonique, c'est-à-dire par nombre de protons ou d'électrons, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait en 1869, alors qu'on ne comprend pas bien encore le concept d'atome, pour calculer une masse atomique, finalement, François-Xavier Couder? Alors c'est par des mesures sur les gaz, on peut faire effectivement des mesures de poids atomique sur des modèles composés. On va pouvoir, par exemple, si je regarde l'eau, faire des mesures de rapport de quantité et puis de masse, mais macroscopiquement, hein, avec des balances, etc. On va pouvoir aussi décomposer finalement une des grandes ce qui a lancé l'identification de ces éléments, c'est qu'on va pouvoir décomposer les corps purs. C'est qu'on commence à avoir l'idée que l'eau effectivement donc se décompose, ça c'est Lavoisier, hydrogène, oxygène, et on va commencer à prendre des minerais, les chauffer, les électrolyser, donc faire passer du courant électrique dedans pour les décomposer, mesurer les poids de chacun décomposé séparément, et puis comme ça arriver à une règle de proportion. Et puis finalement, on se ramène toujours à l'hydrogène, puisqu'il se trouve qu'on remarque que c'est finalement quelque part le plus léger d'entre tous, et donc c'est lui qui va nous servir de maître étalon pour toutes ces masses. Puisque l'hydrogène est de masse atomique 1 pour Mendeleïev, aujourd'hui on a un peu précisé ça, mais en l'occurrence effectivement ça sert de base d'unité. David Boyer sur cette question de la mesure, et quand je me suis mis à travailler sur ce sujet, c'est vrai que le tableau périodique on le connaît par le numéro atomique et une sorte de classification logique, hein, on rajoute un nucléon et on augmente dans le tableau. Là pour le coup Mendeleïev ne dispose pas de ces éléments là et fonde sa classification sur tout autre chose. Oui, il utilise donc la masse atomique qui est la seule grandeur qu'il ait pour caractériser ces éléments et les propriétés chimiques. Et comment justement sur ces calculs de masse atomique, ces calculs-là font l'unanimité, ils sont relativement justes, comment est-ce que ça se passe par rapport ensuite aux travaux ultérieurs ? Donc, je suis pas chimiste, donc je connais pas bien tout le détail, mais donc comme je l'ai dit au tout début, il y a certains éléments qui ont été inversés. Mendeleïev lui-même est conscient qu'il y a certaines données sur les masses atomiques qui sont pas correctes ou qui soupçonnent de pas être correctes. François-Xavier Coudert. Oui, à l'époque, on se rend compte que les rapports de masse avec l'hydrogène sont entiers. Comme on ne connaît pas encore l'existence des différents isotopes, le fait qu'un élément donné puisse être sous différents isotopes, c'est le carbone 12, 13, 14, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14, vont avoir des masses différentes, et donc le carbone qu'on mesure dans la nature, d'un échantillon, va être un mélange de tous ces isotopes, et donc on a une masse qui n'est pas tout à fait ni 12, ni 13, ni 14, mais qui est 12 et quelques. Et donc ça, c'est un niveau de précision qu'on n'a pas à l'époque, on remarque juste que ça va être des nombres entiers. Ça pose effectivement un problème certain, par exemple pour le chlore, qui est un mélange très vaste d'isotopes, et qui aujourd'hui on sait a comme masse molaire 35,5 grammes par mole, si je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, à l'époque, ça peut poser un problème, puisque on se dit, bon, bah, est-ce que c'est 35 ou 36 et qu'on a mal mesuré, parce qu'on n'a pas le concept fondamental. Mais ce qui finalement fait gagner quelque part le tableau de Mendeleïev, c'est que de manière générale, les numéros atomiques et les masses progressent à peu près, pas strictement, mais à peu près de la même manière et proportionnellement, parce que je peux pas mettre un nombre indéterminé de neutrons dans le noyau. Il faut qu'il soit à peu près proportionnel, on reviendra dessus sûrement après, évidemment, au nombre de protons, sinon le noyau n'est pas stable. Et c'est ça qui fait que, même si on classe par masse, ça marche à peu près. Ça marche dans les grandes lignes. Un mot peut-être aussi, François-Xavier Coudert, sur les raisons de cette organisation, cette fois-ci en colonne, c'est-à-dire des propriétés de la matière en fonction de leur numéro et de leur masse atomique. Alors, un élément, peut-être pour donner une définition, un élément c'est tous les atomes qui portent le même nombre de protons. Donc tous les atomes dont le noyau a 6 protons, quel que soit le nombre de neutrons, sont des atomes de carbone. Et pourquoi cette grandeur-là, elle est centrale, le nombre de protons est central en chimie, on ne fait pas de la chimie avec les protons au quotidien, mais comme l'atome est neutre, s'il a 6 protons dans le noyau, il doit avoir 6 électrons autour. Et comme la chimie, c'est le partage des électrons entre différents atomes pour former des molécules ou des matériaux, tous les atomes de carbone, que ce soit du carbone 12, 13 ou 14, c'est-à-dire qu'ils aient 6, 7 ou 8 neutrons, ils ont tous le même comportement chimique, dans les grandes lignes, parce qu'ils ont 6 électrons et que ils vont vouloir, sur ces 6 électrons, en partager un certain nombre, typiquement 4, et former donc 4 liaisons chimiques dans une molécule typique. Du coup, le silicium qui est juste en dessous, lui, il a 14 électrons. Ces 14 électrons, on sait depuis que la manière dont ils sont organisés est en couche, et que le silicium, même s'il a 14 électrons, finalement, il a 4 électrons sur la couche la plus extérieure, donc en fait, lui aussi veut partager 4 électrons. Et du coup, il se retrouve à former des composés qui sont, même s'il est plus lourd, un peu semblables aux composés du carbone, puisque justement, il a le même nombre d'électrons à partager. David Boyer, vous voulez ajouter quelque chose du point de vue du physicien sur la structure de ces propriétés des éléments finalement ? Non, sur les propriétés chimiques, non. C'était extrêmement clair, c'était tout à fait brillant. Peut-être il y a une question sur ce tableau de Mendeleïev quand on le regarde que je me suis posé, ou alors c'est moi qui suis vraiment complètement bigleux, mais il n'y a pas l'hélium. Sur le tableau de Mendeleïev. Il en manque toute une série. Il manque l'hélium. Il ne doit pas y avoir le néon. Il ne doit pas y avoir l'argon. Alors le tableau n'est pas parfait. Alors les gaz dits nobles ou rares sont difficiles à isoler, forcément. De même, il y a eu plusieurs versions du tableau de Mendeleev, je ne sais pas laquelle vous avez, il y en a sur laquelle il a essayé de mettre des éléments plus légers que l'hydrogène. On pense notamment à l'éther et toutes les théories autour de l'éther, mm-hmm. où il se dit que c'est peut-être un élément finalement encore plus léger que l'hydrogène. Bon, on sait aujourd'hui que l'éther n'existe pas, que ce n'est pas le cas. Donc il y aura plusieurs tentatives, mais effectivement, il manque toute une colonne, enfin toute une ligne à l'époque, au niveau des gaz rares, parce qu'en fait, ils sont dans l'atmosphère en faible quantité et on ne les a pas encore isolés. Identifiés. De la même façon que le tableau s'arrête au plomb. De la même façon que le tableau s'arrête au plomb, parce que c'est l'élément le plus lourd connu à l'époque, qu'on ait pu... isolé, identifié. David Boyer. Oui, donc sur les gaz nobles, l'hélium a été découvert avant le tableau de Mendeleïev, mais c'était une raie dans le spectre du Soleil, d'où son nom hélium, parce qu'il a été découvert pour la première fois dans le Soleil. Et à l'époque de Mendeleïev, on ne savait pas que l'hélium existait sur Terre. Et les gaz nobles sont arrivés. Donc, on l'a dit, une des grandes forces du tableau de Mendeleïev, c'est d'avoir été prédictif, mais évidemment, comme personne ne connaissait ces gaz rares qui ne réagissent avec rien d'autre autour d'eux, personne ne les avait détectés, ils n'ont été découverts qu'après Mendeleïev, et ça a pas mal perturbé Mendeleïev. Et le premier gaz rare à avoir été découvert, c'est l'argon, qui est 1% de l'atmosphère quand même, c'est pas négligeable, et c'est avec des mesures de masse excessivement précises sur l'azote de l'air et l'azote produit par réaction chimique, il y avait un petit écart de 1 pour 1000, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, ils ont essayé de comprendre, et il se trouvait que Cavendish, qui était un physicien chimiste qui vivait reclus et qui a écrit beaucoup d'expériences, mais qui les a pas publiées et qui ont été découvertes après sa mort, avait déjà mis en évidence qu'il y avait un gaz dans l'atmosphère qui réagissait avec personne et qui avait des propriétés un peu particulières et donc qui s'est retrouvé à être appelé argon, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui ne réagit pas. Et une fois que l'argon a été trouvé, les physiciens chimistes ont cherché d'autres gaz rares ou gaz nobles et ils ont redécouvert l'hélium sur Terre. Mais donc, c'est arrivé, toute cette colonne est arrivée bien après le tableau de Mendeleïev, et elle a perturbé Mendeleïev lui-même. Et pour compléter ce que l'on disait tout à l'heure sur les propriétés et des différentes colonnes, effectivement, ce nombre d'électrons qui vont pouvoir se lier par colonne, outre les 18 colonnes, en fait, il y a une mention de groupe au-dessus des colonnes qui sont effectivement le nombre d'électrons qui peuvent se lier, et c'est pour ça que cette dernière colonne y a marqué zéro, et qu'on appelle ça des gaz inertes, parce que ce sont des gaz qui interagissent très peu, parce que précisément, il n'y a pas de liaison électronique. Oui, alors c'est une des règles de chimie dont les auditeurs se souviennent peut-être sous le nom du règle de l'octet, qui est enseignée dans les lycées. C'est que effectivement, les éléments, pour des raisons liées à la mécanique quantique, les atomes vont vouloir compléter leur couche la plus externe d'électrons, et les atomes qui sont donc en partageant avec d'autres atomes pour former des molécules, et les atomes de gaz rares ou gaz nobles, hélium, néon, argon, krypton, etc., eux ont déjà une couche externe complète, pleine d'électrons, et donc du coup n'ont pas envie de former des molécules. C'est ça, donc de se lier et de se compléter. Comment on peut avancer un peu sur l'histoire de ce tableau du vivant de Mendeleïev? Il y a plusieurs, en fait, de son tableau prédictif fonctionne, puisqu'il y a trois éléments qui vont être découverts, le gallium, le scandium et le germanium. À quel moment, à partir de quand apparaissent le classement par numéro atomique? Quand est-ce que se complète ce tableau périodique des éléments pour arriver à la forme que l'on connaît aujourd'hui, David Boyer? Donc là, c'est suite aux travaux de Moseley, qui est un jeune physicien britannique, qui a fait de la spectroscopie. Donc la spectroscopie est née au 19e siècle, où il y a eu un peu une explosion de découverte d'éléments en regardant les couleurs des flammes, et après en décomposant la lumière en fonction des couleurs, ça a permis d'identifier des éléments et aussi d'en découvrir des nouveaux. Et après, fin 19e, les rayons X ont été découverts, et donc ce qu'on avait appris avec la lumière a été extrapolé aux rayons X, et Moseley a découvert que si on numérotait les atomes dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, donc on leur donne un numéro. On connaissait pas le proton à l'époque. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment par ordre d'apparition dans le tableau périodique. Il y avait une loi avec le spectre X qu'il avait détecté, qu'on appelle la loi de Moseley de nos jours. Et donc, il a pu confirmer la classification de Mendeleïev. Il y avait des éléments, Mendeleïev n'était pas très sûr, est-ce qu'il fallait les alterner ou pas. Et Moseley, à partir de son spectre X, a pu donner un numéro à chacun de ces éléments, qu'on appelle le numéro atomique. grâce à la spectrométrie X. Et après, il a été. Alors, Moseley est mort à 27 ans à la Première Guerre mondiale. Et après lui, après ses travaux, on a choisi le numéro. Quand tu as eu la mécanique quantique, qui avait vraiment un sens derrière ce numéro atomique, qui était beaucoup plus pertinent que la masse. C'est cet élément-là, enfin, c'est cette grandeur-là qui a été utilisée pour classer les éléments chimiques. François-Xavier Coudert. Oui, c'est vraiment ça. On a d'abord une classification en masse. On découvre que cet ordre-là, finalement, même quand il y a des incertitudes sur les masses, même quand il y a des inversions, finalement, il y a quelque chose de plus fondamental qui sous-tend la classification, qui va être le numéro atomique. On le relie d'abord à une propriété expérimentale, et jusque-là, on est vraiment dans de l'empirique, hein, que ce soit pour le tableau ou le numéro atomique. Et puis derrière, la rationalisation, elle se fait quand on commence à comprendre le modèle de l'atome, quand on commence à découvrir la mécanique quantique, à l'appliquer à l'atome, aux particules élémentaires, et puis à prédire le comportement des électrons autour. Et c'est ça qui finit par expliquer la classification. Le dernier élément naturel de la classification, c'est l'uranium, numéro atomique 92. Est-ce que je peux demander aux physiciens pourquoi est-ce que les éléments naturels s'arrêtent à 92? Ah, ils sont radioactifs. Déjà, l'uranium est radioactif, donc au-delà du plomb, plomb bismuth, ils sont quasiment tous radioactifs. Et donc, ils ont tendance à disparaître. Et certains ont des périodes, c'est-à-dire le temps qu'il leur faut pour désintégrer assez courtes, et donc ils n'existent plus sur Terre, parce que la Terre a 4,5 milliards d'années, et l'uranium, par exemple 238, a une demi-vie qui est pratiquement l'équivalent de l'âge de la Terre, et donc ils se désintègrent, et un jour il n'y en aura plus, mais on ne sera plus là pour en parler. François Gaillet. Et il y a deux trous aussi dans la classe, je voulais rajouter. Donc la classification périodique va jusqu'à 92, mais il y a deux trous, qui sont le technétium, numéro 43, et le prométhéium. Et ça, ça a été aussi un grand défi pour les physiciens. Le technétium, il a eu 5-6 noms différents. Les gens pensaient l'avoir découvert. Et en fait, il n'existe pas dans la nature. Donc, il s'est appelé, il a eu plein de noms. Puis après, ça a été démenti. Et il n'a été découvert qu'une fois que les accélérateurs... il est artificiel, il a été découvert dans le métal des accélérateurs des cyclotrons. D'où son nom de technétium et 43 Prométhée. Et prométhéum 61. Comment se fait-il? On sait pourquoi c'est une question aussi de stabilité atomique, David Boyer? De stabilité nucléaire. Nucléaire, pardon. Nucléaire, oui. C'est le noyau. Le noyau n'existait pas. Les atomes, ils existent. À partir du moment où le noyau existe, L'atome va exister autour. Les électrons vont se mettre autour de façon naturelle. Et donc, l'atome va exister. Alors, il y a des calculs qui ont été faits pour essayer de trouver la limite des éléments. Et d'un point de vue atomique, il y a les calculs prédisent une limite à Z égale 172, parce que là, les orbitales, donc on repart, elles commencent à s'approcher du noyau et pénétrer dans le noyau, et là, c'est la limite d'existence des atomes. Mais les limites physiques qu'on observe dans la nature, ou même avec les noyaux artificiels, sont beaucoup plus basses, et donc ce qui limite, c'est pas du tout les atomes, c'est vraiment le noyau. C'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission, ces fameux éléments super lourds. Un mot, François-Xavier Coudert, les premiers éléments créés de la main de l'homme, finalement, c'est assez tôt. On arrive assez vite à créer ces premiers éléments en laboratoire, le neptunium et le plutonium. Oui, alors il y en a qu'on va effectivement créer assez facilement. Dans les travaux autour de la radioactivité. Dans les travaux autour de la radioactivité. Finalement, l'histoire de la découverte des éléments et puis de leur arriver à isoler les éléments, puis ensuite arriver à les créer quand on connaît tous les éléments précédents, elle marche par vagues. Hein. C'est-à-dire que il y a des éléments qu'on connaît depuis l'Antiquité. Ça va être le soufre, le carbone, etc. On va découvrir au début de la chimie, autour de Lavoisier, pas mal d'éléments. On va réussir à en isoler un certain nombre. On va ensuite, avec la classification, savoir chercher dans des directions données, se dire que sous le strontium, par exemple, si on pourrait trouver une version plus lourde et aller... quand on voit qu'on a certains minerais qui sont plus lourds mais qui ressemblent à des minerais de strontium, bon, on va avoir du barium, etc. Donc on va vraiment avoir comme ça une augmentation. Et puis il y en a encore au XXe siècle, avec d'abord l'isolation, enfin arriver à isoler les éléments radioactifs dans les travaux après Becquerel, Curie, etc. Mmh. Donc c'est arriver à isoler notamment le polonium, le radium, qui va être qui vont, et là on va pas les reconnaître par leurs propriétés chimiques, on va les reconnaître par leur radioactivité. C'est-à-dire, on prend des minerais, on isole la fraction qui nous semble la plus active, et puis on se rend compte que vu ses propriétés de radioactivité, ça doit être un nouvel élément, ça va être le polonium, etc. Et effectivement, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Après, donc il y a des systèmes de vagues un peu comme ça. Après, si on regarde sur toute l'histoire de la classification périodique et des éléments, en fait, on se rend compte qu'on en découvre, ça s'accélère, ça se ralentit, mais on en découvre en moyenne un tous les 2 ans et demi. Donc, à savoir si on va, il y a une espèce de, peut-être de loi de Moore du tableau périodique de ce côté-là. Ah, si c'est un tous les 2 ans et demi, c'est pas exponentiel. Néanmoins, ce qui va nous amener au présent, ou en tout cas aux 4 derniers éléments recensés, c'était en 2016, on en parle tout de suite. Chemical de Dan Manres, qui est un peu injuste puisque c'est à la fois chimique et physique le thème de l'émission d'aujourd'hui. Nous parlons du tableau périodique des éléments de Mendeleïev qui fête ses 150 ans cette année. Nous en parlons avec François-Xavier Couder, qui est chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris et en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Caen, avec David Boyer, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Caen et physicien au GANIL, le grand accélérateur national d'ions lourds. Alors, je le disais, c'est vrai et ça va fâcher François-Xavier Couder, depuis quelques années, l'histoire du tableau périodique des éléments repose plus dans les mains des physiciens que des chimistes. Vous avez un peu perdu la main, si je puis dire, puisque ça se passe dorénavant dans des accélérateurs de particules, David Boyer. Et je le disais à l'instant, les 4 derniers éléments, on nous a dit le tableau de Mendeleïev est complet en 2016 avec la découverte du nihonium qui est Z113, du moscovium 115, de la ténécine certainement 117 et de l'oganesson 118. Ça veut dire que c'est terminé, fermer le banc, l'histoire est close. Non, c'est la dernière ligne du tableau périodique qui est complète. Et donc là, un des défis, c'est de voir s'il y a une nouvelle ligne derrière. Donc c'est pas la fin de l'histoire, c'est une grande avancée. Ces 4 derniers éléments que vous avez cités sont rentrés en 2016. En 2012, il y en a eu 2 autres qui étaient rentrés, et le copernicium 112 qui est rentré en 2010. Donc c'est vrai que ces dernières années a été très riche. Alors là, on n'en a plus dans les tiroirs en attente de validation, parce qu'entre la synthèse, la première synthèse en laboratoire lors d'une collision, et la validation pour rentrer dans le tableau périodique, qui se passe à peu près 10 années. Mais pour le moment, on n'en a plus dans les tiroirs en attente. Donc c'est vrai qu'on est un peu à un tournant de cette physique, de créer des nouveaux éléments, mais ça n'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas atteint la limite d'existence des atomes. François-Xavier Couder. Oui, il y a beaucoup de... En fait, c'est même encore une question ouverte, hein, ces atomes super lourds, la fin de la classification périodique. Il y a la question de la stabilité des noyaux, avec effectivement peut-être l'existence d'éléments un peu plus stables qui contrebalanceraient cette tendance à l'instabilité quand on augmente la masse. Et puis après, il y a les questions chimiques, c'est-à-dire, même si on arrive à synthétiser des noyaux super lourds, est-ce que les électrons vont pouvoir tenir autour ? Jusqu'ici, c'est pas un problème. Plus on avance dans le poids, plus les électrons ont des orbitales donc contractées. Alors ça veut dire se rapprocher beaucoup du noyau, ça pose des problèmes. Ça veut aussi dire que les électrons qui sont sur la couche la plus externe du noyau doivent tourner finalement, pour donner une image assez simplifiée, mais doivent tourner très vite, doivent avoir une vitesse assez rapide, donc des effets relativistes très importants, puisque si on regarde d'un point de vue purement de l'atome de Bohr avec un modèle très simple, à l'élément 147 je crois, l'électron le plus externe va à la vitesse de la lumière, et ça, bon, ça veut dire que il faut le prendre en compte et ça peut poser un problème. Donc ça, c'est l'une des limites. J'aimerais, David Boyer, que vous nous expliquiez un peu là, ces dernières années, aujourd'hui, comment on synthétise ces éléments super lourds. Est-ce qu'il suffit de prendre n'importe quel noyau atomique et de l'envoyer, de voir ce qui se passe ? Il y a certains noyaux plus que d'autres, il y a une question de stabilité. Expliquez-nous un peu comment se passent ces travaux de recherche. Donc avant, je vais peut-être faire une petite introduction historique. Bien sûr. Donc le noyau, il a été découvert par Rutherford en 1909. Quand il a commencé à bombarder, donc on connaissait, on va repartir même un peu en avant. Au fin 19e, les rayons X ont été découverts par Röntgen, et la première chose qu'il a vue, c'est que ça traversait les tissus biologiques et qu'on pouvait voir à l'intérieur des êtres vivants sans le découper, ce qui a été une avancée fantastique. Et après, les rayons X ont été utilisés pour aller regarder à l'intérieur de la matière. Et quand la radioactivité est apparue, l'idée d'utiliser ces nouveaux rayonnements pour sonder l'intérieur de la matière est venue tout de suite. Et Rutherford a donc bombardé avec la radioactivité alpha la matière qu'il avait, une feuille d'or, et il a découvert que l'expérience ne donnait pas du tout ce qu'il avait prévu. Il a mis 2 ans pour analyser cette expérience, et en 1911, il parle de noyau, et en fait, il donne la structure de l'atome, qui est un noyau central tout petit, il donne même la taille, et des électrons qui tournent autour. Donc ça, c'est déjà une révolution dans la pensée, parce que l'atome, qui veut dire insécable, est devenu sécable. Et c'est ce qui l'a permis de conforter. Ce qui est rigolo, c'est que ce qui a conforté la notion d'atome insécable, c'est qu'il est devenu sécable. Et là, vraiment, on s'est dit, il y a quelque chose qui marche bien. Et après, avec le développement de la mécanique quantique, on a pu expliquer ce qu'il y a derrière. Il y a la Première Guerre mondiale, et en 1919, donc il y a exactement 100 ans, Rutherford, après la Seconde Guerre mondiale, revient à ses premières amours, qui sont la physique nucléaire, qu'il a inventée, et crée la première réaction de transmutation, toujours en utilisant ce rayonnement alpha issu de la radioactivité. Il bombarde une cible d'azote et il obtient un rayon H, ce qu'il appelle, ce qu'on appelle de nos jours des protons, l'hydrogène, et de l'oxygène. Et c'est la première réaction de transmutation de l'histoire contrôlée par l'homme. Et ça, c'est une autre évolution, c'est-à-dire que le rêve des alchimistes de changer du plomb en or est devenu possible. Alors, il a changé de l'azote en oxygène, donc il n'est pas devenu riche, mais il s'est devenu possible. Et ça, ça a été aussi une autre évolution. On peut changer la nature des atomes en modifiant la nature du noyau. Et ça, ça a été vraiment une autre évolution dans l'avancée. Et Rutherford dit clairement, dans la fin de son article, qui a exactement 100 ans, dans l'ensemble, ses résultats suggèrent que si les particules ou les projectiles similaires d'énergie encore plus élevée étaient disponibles pour les expériences, nous pourrions briser la structure des noyaux de nombreux atomes légers. Et donc, la physique nucléaire, elle est née d'une collision. Et elle a progressé avec des collisions, et la seule chose qui manquait à l'époque de Rutherford, c'était des accélérateurs pour avoir des énergies plus élevées, puis après des détecteurs de plus en plus sophistiqués. Mais on continue à bombarder des cibles, des noyaux cibles avec soit des particules élémentaires, protons, neutrons, soit avec des noyaux plus composés. Et donc ça, on n'a pas changé depuis la découverte du noyau. Alors justement aujourd'hui, David Boyer, expliquez-nous un peu comment, parce que cette découverte des 4 derniers éléments, on la résume comme ça en une phrase, mais ce sont des travaux très longs, très fastidieux, qui donnent très très peu de résultats par rapport à la quantité de collisions que l'on cherche, enfin que l'on arrive à provoquer. Je crois que pour le Logan et Son, on a réussi à observer juste la création de 3 atomes en tout sur des milliards et des milliards de collisions. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on procède ? Donc, on procède pas au pif, c'est-à-dire qu'on est parti des. On imagine bien. On est parti. C'est une démarche progressive. On n'est pas allé à l'organisation directement. C'est-à-dire qu'on va de, on essaye de progresser, d'aller de un par un et d'extrapoler. Donc d'avancer pas à pas jusque vers l'organisation. Et pour, il y a deux techniques qu'on appelle fusion chaude, fusion froide. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Et la fusion froide, on est allé jusqu'au nihonium. Et là, le nihonium, c'est trois événements sur 550 jours de faisceau. C'est numéro 113. Hein. C'est numéro 113 qui a été synthétisé au Japon. Ça vous donne un peu la difficulté et la rareté de ces événements. Et l'organesson, donc c'est, on bombarde avec du calcium 48, qui est un élément naturel, mais le calcium dont on a l'habitude, c'est 40. Il a 20 protons, 20 neutrons. Le 48, il est très riche en neutrons, ce qui le rend beaucoup plus intéressant pour la physique nucléaire. Et on bombarde des cibles avec ça, d'éléments déjà artificiels qui ont été créés dans des réacteurs. Donc, jusqu'à Z égale 100, en fait, les premiers noyaux lourds ont été créés, projet Manhattan, découverts dans le projet Manhattan, après l'uranium. Dont on parlait la semaine dernière, à ce même micro. Et avec un transuranien qui est très célèbre, qui est le plutonium, quand on arrive à, de nos jours à fabriquer des tonnes dans les réacteurs nucléaires, les autres, on les fabrique en plus petite quantité. Et donc, pour l'organisson, il avait déjà fallu fabriquer une cible dans un réacteur qui a été bombardé avec un faisceau de calcium 48. Évidemment, les physiciens ne visent pas la cible, donc il y a des milliards de réactions qui ont lieu, et de temps en temps, il y a la perle rare qu'on cherche, et donc ça veut dire derrière tout un système de détection qui va trier tous les événements pour aller chercher l'événement rare. Et dans le cas de l'organisson, effectivement, trois événements. C'est à peu près un événement par mois de faisceau. Et là, ces éléments les plus lourds, c'est même pas les éléments qui ont été identifiés, ils ont été identifiés par leur chaîne de désintégration radioactive. Et donc, on a vu une chaîne de désintégration alpha. Et à partir de cette chaîne de désintégration alpha, les physiciens ont pu dire, ah, ça, on a dû synthétiser le Z égale 118. On a dû avec un taux de certitude très élevé, hein, puisque ce type de désintégration alpha, là aussi on va pas rentrer dans les détails, mais puisque en fait ces éléments sont très instables, justement quand ils perdent des neutrons, on sait que le noyau atomique s'est bien créé, donc que l'élément a été créé suffisamment longtemps pour agréger les électrons autour. Justement François-Xavier Coutard, j'aimerais vous entendre sur cette question de stabilité. Pourquoi ces noyaux sont-ils si instables? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de les obtenir, d'une part, et pourquoi est-ce que quand on les obtient, c'est pendant 10-14 secondes pour que ce soit validé en tant qu'élément? Alors ça va être une réponse assez simple, puisque étant chimiste, moi c'est des choses qui m'échappent un peu. Ce qu'on dit, c'est effectivement, et on aura sûrement les détails après, c'est des questions de stabilité nucléaire en fait. C'est le modèle d'organisation des protons et des neutrons au sein du noyau, avec les forces qui les régissent, la répulsion des différents protons, et donc il va y avoir de la stabilité. De manière générale, quand on augmente la masse, quand on augmente le numéro atomique, on va vers des systèmes qui sont moins stables, avec des durées de vie des différents isotopes de plus en plus faibles. Et puis, on a l'espoir que pour certains nombres un peu magiques, il y ait une structuration interne du noyau qui, elle, soit plus stable et qui permette à tout ça de s'organiser pour avoir des isotopes d'une durée de vie plus longue. David Boyer, c'est la raison, hein, entre autres, que vous donniez, celle du calcium 48, c'est que effectivement la stabilité, ce serait fonction du nombre de neutrons dans les noyaux. Tout à fait. Et avant, peut-être pour répondre à votre question, il y a deux aspects dans votre question. Il y a le 10 puissance moins 14. Donc ça, c'est un peu arbitraire. C'est l'IUPAC, donc l'Organisation internationale de physique appliquée, de chimie appliquée et pure, qui a défini ça. C'est un peu, quand on a fabriqué le noyau, on n'a pas encore fabriqué l'élément. Il faut que les électrons aient le temps de venir se mettre autour, et on estime qu'au bout de 10 puissance moins 14 secondes, les électrons ont réussi à se mettre autour du noyau, et on a fabriqué l'élément complet, noyau plus électrons. Donc le 10 puissance moins 14 vient de là. En revanche, les désintégrations radioactives qui ont été détectées faisaient de l'ordre de la microseconde, donc on était largement au-delà. Très, très, très largement au-dessus. Au-dessus, et donc il n'y a pas de doute, on a bien créé l'élément. Au Ganil, il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple, mes collègues du Ganil qui ont fait des expériences. Le Ganil, le grand accélérateur national d'ions lourds à Caen, auquel vous travaillez. Voilà, il y a quelques années, on pense avoir vu le noyau du Z égale 120. Ah oui. Parce qu'il a survécu un temps suffisamment long, de l'ordre de 10-18 secondes. Mais, enfin, ils ont démontré qu'il avait survécu au moins 10-18 secondes, mais ils n'ont aucune preuve qu'il avait survécu 10⁻¹⁴ secondes, qui est un temps extrêmement long pour la physique nucléaire. Et donc, on a une forte présomption pour dire que ce noyau a été créé, mais il n'y a pas eu l'élément chimique de créer. Et alors, je reviens sur cette question de la stabilité, fonction donc du nombre de neutrons. On parle, hein, comme l'a dit François-Xavier Coudert, de nombre magique d'îlots de stabilité, c'est-à-dire que on pourrait trouver des isotopes, si on arrivait à rajouter plus de neutrons, qui pourraient être autrement plus stables que ces éléments que l'on crée en une fraction de micro ou de microsecondes, disons, allez, de micro-nanosecondes. Oui, alors là, ça devient très compliqué à expliquer, la stabilité des noyaux. Donc il y a deux effets. Il y a des effets un peu globaux qu'on retrouve sur toute la masse. Et ça, on a un modèle pour ça qu'on appelle la goutte liquide. Donc on voit ça comme une goutte d'eau. Et en fait, c'est un combat entre deux forces. On a les protons qui sont positifs, qui se repoussent et qui ont tendance à vouloir casser le noyau. Et l'attraction forte qui maintient la cohésion du noyau, qui elle est attractive. Et il se trouve que la répulsion coulombienne, donc les charges électriques qui se repoussent, c'est une force à longue portée. Et donc, ça va proportionnel au volume du noyau, alors que l'attraction forte qui est attractive, c'est une force à courte portée. Et donc, au milieu du noyau, ça a un peu tendance à s'annuler. Et c'est surtout sur les bords que ça retient. Donc, c'est un terme qui est grosso modo proportionnel à la surface. Et donc, plus on grossit, la répulsion, à un moment, elle va gagner sur la surface. Et à peine vous déformez le noyau, il se casse en deux. Et on peut faire le calcul avec ce modèle simpliste dit de goutte liquide. Il a été fait dans les années 50 par Wheeler. Il avait déjà prédit une limite d'existence aux alentours de Z égale 100, qui est le fermium. Donc, à peu près à ce niveau-là, normalement, on ne devrait plus avoir de noyau si la goutte liquide était parfaite. Mais le monde est plus compliqué que ça. On a les nucléons qui sont en fait rangés sur des couches de la même façon que les électrons sont rangés sur des couches. Et quand on a une couche pleine pour les électrons, ça s'appelle un gaz noble, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour les noyaux, quand les protons et les neutrons sont sur des couches fermées, on appelle ça un nombre magique, parce que les noyaux ont un regain de stabilité. Donc effectivement, le noyau le plus lourd avec des nombres magiques, c'est le plomb 208. Et au-delà, donc il y a des prédictions qui disent qu'il y a de nouveau, alors c'est plus des nombres, parce que on commence à passer du système microscopique individuel à des zones où ça devient des zones magiques. Effectivement, là, il n'y a pas accord sur les prédictions. Certains disent 114, 116, 120 pour le nombre de protons, donc la charge, et puis aux alentours de 184 pour le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les fabriquer parce qu'il y a un excès de neutrons par rapport aux noyaux existants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des noyaux existants artificiels ou dans la nature, on les bombarde, mais ils n'ont pas assez de neutrons. Et donc, on ne s'est pas arrivé dans cette zone où il y aurait suffisamment de neutrons pour avoir, suivant des prédictions, des noyaux qui survivraient des temps macroscopiques. Mais alors justement, j'ai une question à ce propos. On parle d'un élément qui pourrait être justement doublement magique, c'est-à-dire à Z114, donc numéro atomique 114, 114 protons et 184 protons, qui pourrait avoir... Neutrons, bien sûr. Qui serait tellement stable que sa demi-vie serait égale à l'âge de la Terre. Si cet élément doublement magique existe, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas trouvé dans la nature ? Alors, c'est des prédictions. Déjà, on n'est pas sûr qu'il existe. Et il y a de grandes incertitudes. Le problème de tous ces calculs-là, c'est que c'est basé sur des modèles qui ont été adaptés à ce qu'on connaît. Et tous les modèles, dès qu'on extrapole, ça devient dangereux. Donc ça, c'est une loi fondamentale de la science. Quand on sait que ça marche bien quelque part et qu'on extrapole, et plus on extrapole loin, plus ça devient douteux. Donc ça, c'est des lois mathématiques simples de toutes les extrapolations. Et donc, les modèles sont pas tous d'accord entre eux. Donc, il y a encore des incertitudes très fortes. Donc, ces données sont avec des incertitudes très fortes. Maintenant, il faudrait pouvoir les caractériser. Donc, sur Terre, on n'en a pas trouvé d'éléments super lourds. Est-ce que stable. Dans aurait des durées de vie qui feraient qu'ils existeraient encore sur Terre. On n'a jamais trouvé d'éléments super lourds sur Terre. Donc, l'élément le plus lourd qu'on ait découvert sur Terre, c'est l'uranium. Et on n'en a pas trouvé de plus lourd. Donc ça veut dire que s'ils ont été créés, ils n'ont peut-être pas ces durées de vie-là, ou alors ils ont été créés dans des endroits de l'univers qui n'ont pas servi à la création du système solaire. Alors, on va revenir du côté expérimental, puisqu'on l'a dit, hein, il y a deux méthodes, celle du bombardement. Il y a une autre méthode qu'on a évoquée également, celle par spectro... je recommence. Une autre méthode, on ne peut pas monter, c'est en direct, par spectroscopie, qui consiste à essayer de prolonger donc la stabilité de ces noyaux atomiques. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc allé voir le responsable du laboratoire d'études du noyau de l'atome à l'IRFU du CEA, qui travaille précisément sur ce deuxième axe de recherche. Oui, Antoine Drouard et son équipe ne sont pas engagés dans la super course aux éléments super lourds. Ce qui les intéresse, eux, c'est de comprendre les propriétés des éléments super lourds qui existent déjà. Dans leurs expériences, ils forment des éléments lourds et mesurent les temps de fission, c'est-à-dire la durée que les éléments mettent à se désintégrer. Ils veulent comme ça tester la résistance à la fission, ce qu'on appelle la barrière de fission, avec l'espoir d'approcher la fameuse zone de stabilité. Alors S-Cube, donc c'est le super séparateur spectromètre qui est actuellement en cours de construction au GANIL, à Caen. Donc c'est le grand accélérateur national d'ions lourds. Et un des objectifs majeurs de S-Cube, c'est de pouvoir étudier les noyaux super lourds qui vont être formés en fait par la fusion de deux noyaux plus légers, qui est une mode un peu classique de formation de noyaux super lourds, où on va utiliser en fait les faisceaux de très haute intensité qui seront accélérés par l'accélérateur linéaire. Et le spectromètre S-Cube nous permettra de sélectionner en fait les éléments super lourds parmi la très grande majorité de noyaux. Donc on sera amené, grâce à S-Cube, à les transporter de la cible jusqu'au point de détection où on pourra les étudier. Alors, il y a eu le défi de pouvoir produire ces éléments super lourds et il y a celui de les faire durer dans le temps. Comment on procède? Comment les expériences peuvent arriver à allonger la durée de vie de ces éléments très instables? Alors, on n'allonge pas de leur durée de vie. En fait, aujourd'hui, malheureusement, on a très peu le choix. Il y a des difficultés techniques qui font qu'on ne peut pas choisir n'importe quoi comme couple de noyaux. Je vous ai dit qu'on faisait fusionner deux noyaux. Hein. On n'a pas le choix, beaucoup de choix dans le couple des noyaux qu'on peut utiliser. Et donc, aujourd'hui, les éléments super lourds qu'on forme, Logan Esson et tous les noyaux plus légers, on pense très fortement, on a de bonnes indications qu'en fait, les noyaux qu'on forme n'ont pas assez de neutrons et donc ne sont pas optimum en stabilité. Si on pouvait mettre plus de neutrons dans ces noyaux, dans ce cas-là, ils seraient plus stables. Alors, on l'a vu, en fait, créer des noyaux super lourds, c'est extrêmement difficile et on en crée très peu. Donc, c'est très dur de les étudier. C'est quasiment impossible. On a quelques études très fragmentaires sur le noyau Logan-Esson 118. Il faut savoir qu'on en a fait aujourd'hui 3 noyaux uniquement. Et donc, nous, on a un programme expérimental. On a adopté une approche qui est un peu différente de celle qui est de synthétiser directement des noyaux super lourds pour les étudier. En fait, je vous ai dit que tout à l'heure qu'il y avait deux étapes. Une étape de fusion et une étape de survie de ce noyau après fusion. En fait, nous, ce qu'on a étudié, c'est que, on fait la fusion des deux noyaux, mais on ne va pas attendre que ce noyau survive. Parce que la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, le noyau va se recasser en deux immédiatement, dans des temps très courts. C'est-à-dire que c'est entre 10-21 et 10-18 secondes. C'est-à-dire un milliardième de seconde ou un millième de milliardième de milliardième de seconde. Donc le seuil de tolérance, c'est 10-14 secondes. Alors exactement, officiellement, en fait, pour former un élément chimique super lourd, il faut qu'il ait un temps de vie d'au moins 10-14 secondes pour qu'on ait le cortège électronique formé autour. Donc nous, on ne forme pas d'éléments super lourds. Par contre, on va former ce noyau composé super lourd et on va étudier son temps de fission. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la stabilité des noyaux super lourds est liée à une de leurs composantes qu'on appelle la barrière de fission. C'est en fait leur résistance à la fission. S'il n'y a pas de cette barrière de fission, le noyau super lourd se casse en deux immédiatement. Et plus cette barrière de fission est importante, plus le noyau va résister longtemps à cette fission. Et comment on l'étudie, cette barrière de fission, dans vos expériences? Alors, la première technique qu'on a utilisée, c'est la technique de blocage dans les cristaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire fusionner donc, notre noyau projectile avec un noyau cible, et cette cible, c'est un monocristal. Et en fait, le noyau composé est formé, ce noyau super lourd composé est formé, il se casse en deux, et en fait, la déviation des fragments de fission à l'intérieur du cristal va dépendre du temps de fission entre sa formation et le moment où il se casse en deux fragments. Si les deux fragments se cassent très rapidement, on a un certain type de déviation au sein du cristal. Si le noyau composé super lourd vit plus longtemps, on va avoir un autre type de déviation, ce qui va nous permettre notamment de détecter la présence de temps de fission très long. Alors très long, c'est 10⁻⁷ secondes, donc ça reste quand même assez court, mais pour un phénomène de fission, c'est très très long comme temps de survie. Donc on a, entre guillemets, juste à mesurer cet angle de déviation à l'intérieur du cristal ? En sortie du cristal, exactement. Donc on a mis des détecteurs dans les axes principaux du cristal et on a pu mesurer ce taux de déviation. Si le temps de fission est extrêmement rapide, 10⁻⁰, 10⁻⁷ secondes, la déviation est maximale. Donc on va voir apparaître en fait un trou dans la distribution des noyaux. Il y aura moins de noyaux dans la direction principale du cristal. Si au contraire les temps de fission sont plus longs, jusqu'à 10⁻⁷ secondes à peu près, le trou va se combler progressivement. Et donc on va comparer des réactions qu'on sait très rapides, où on voit apparaître le trou, avec ces réactions de fusion-fission dans les noyaux super lourds, pour voir si le trou est comblé ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, quand on forme ces noyaux composés super lourds, des temps de fission très longs ou pas ? Et ce qu'on a observé, en fait, on a étudié plusieurs systèmes. Un système à 114 protons, un système à 120 protons et à 124 protons. Et ce qu'on a observé, c'est que dans les systèmes très lourds à 120-124 protons, on a observé justement ces temps de fission très longs. Alors que le noyau plus léger à 114 protons, on n'a pas observé ces temps de fission très longs. Donc ça indiquerait que pour ces noyaux à 120-124 protons, il y a une barrière de fission qui s'est créée. Donc que ces noyaux super lourds seraient, alors, pas stable entre guillemets, mais moins instable. Donc finalement, avec votre approche un peu détournée, on arrive plus à s'approcher de cette limite de stabilité. Exactement. Par rapport aux méthodes classiques. On gagne en fait ce facteur 1 milliard, par exemple pour Logan-Esson, qui est lié à la survie du noyau après la fusion. Donc ce qui nous permet d'étudier des noyaux plus lourds, comme le noyau à 120 ou 124 protons. Voilà le reportage du jour sur cette méthode de spectroscopie. Un mot de conclusion, David Boyer. Quelles sont les limites aujourd'hui techniques à l'obtention de nouveaux noyaux, de nouveaux éléments de numéros atomiques plus élevés, en quelques mots ? Alors, en quelques mots, donc là, on a pour aller au-delà de l'organesson. Donc, si on veut toujours utiliser le calcium 48 qui a été le projectile qui a été miraculeux jusqu'à maintenant, il n'y a plus de cible derrière. Et donc, on est obligé de changer de projectile. Et il y a déjà eu des expériences qui ont été menées pour faire l'élément et pas seulement le noyau 119 et 120. Et pour le moment, elles ne sont pas fructueuses. Parce que on n'a pas observé. D'accord. Simplement. François-Xavier Coudert pour conclure. C'est toujours réjouissant de voir que nous, en tant que chimistes, on s'occupe vraiment des électrons autour de ces noyaux et des fois on est un peu désemparés parce que quand il y a beaucoup d'électrons, c'est très compliqué. C'est des branches de la chimie très très spécialisées pour comprendre le comportement des éléments lourds et puis rien que leurs propriétés. Et donc ça fait toujours plaisir de voir que le noyau aussi c'est compliqué et pas seulement les électrons. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci François-Xavier Coudert. Merci David Boyer d'être venu nous parler de ce tableau de Mendeleïev qui fête ses 150 ans cette année et de la quête de ces fameux éléments super lourds qu'on continuera à suivre. On vous renvoie d'ailleurs au numéro de Pour la Science qui était consacré, qui faisait sa une sur cette quête des éléments super lourds qui nous a pas mal servi pour composer cette émission. Merci également aux camarades de France Bleu pour le duplex depuis cette belle ville de Caen. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Émilie Val à la réalisation et Jean-Frédéric c'est la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous parlerons alimentation puisque c'est en ce moment que se tient le salon de l'agriculture à Paris pour tâcher d'y voir plus clair dans un débat qui devient assez vite houleux quand on tente de l'aborder sereinement. Moins de pesticides, c'est indiscutablement mieux pour tout le monde, mais est-ce que le bio c'est vraiment bon ? On essaye d'en parler demain calmement à 16h jusqu'à preuve du contraire.